les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1954, le jeune critique de cinéma François Truffaut, 22 ans, écrit à propos de Fenêtre sur cour. Ce n'est pas en résumant l'intrigue que l'on peut faire apparaître la totale nouveauté de l'entreprise. Cloué sur sa chaise longue à la suite d'une jambe cassée, le reporter photographe Jeffrey, James Stewart, observe par la fenêtre le comportement de ses voisins. Un beau jour, il acquiert la conviction que l'un d'eux a tué sa femme irascible, odieuse et malade. L'enquête qu'il mène, bien qu'immobilisée dans le plâtre, est un peu le sujet du film. Je vois bien qu'ainsi résumé, le scénario doit sembler plus astucieux que profond, et cependant j'ai la conviction que ce film est l'un des plus importants des 17 que Hitchcock a tourné à Hollywood, l'un des rares en tout cas à ne contenir aucune faille, aucune faiblesse, aucune concession. 8 ans après avoir écrit ces lignes, Truffaut, devenu cinéaste, propose à Hitchcock de mener une longue série d'entretiens destinés à composer la matière d'un livre qui deviendra célèbre. La rencontre eut lieu en août 1962 dans les bureaux des studios Universal, avec la complicité d'Hélène Scott qui assura la traduction de leurs échanges. Il en résulta 52 bobines de 30 minutes enregistrées sur magnétophone et retrouvées par hasard bien des années plus tard. En 1999, Serge Toubiana et Nicolas Saada ont proposé pour France Culture un choix de 25 extraits. Dans le 20e d'entre eux, on entendait Truffaut soumettre sa vision de Fenêtre sur cour à son réalisateur. Dans ses entretiens avec Truffaut, Hitchcock passe assez vite sur Dial M for Murder, Le crime était presque parfait, avant d'évoquer plus longuement Rear Window, Fenêtre sur cour, un de ses films majeurs tourné la même année, en 1954. Son thème, le voyeurisme. Pour Truffaut, James Stewart est dans la position d'un spectateur en train de regarder un film. Assis à sa fenêtre, cloué dans son fauteuil à cause d'une jambe dans le plâtre, Stewart se sert de l'objectif de son appareil photo pour inventer une histoire d'amour et de crime dans l'appartement d'en face. Hitchcock fait naître les éléments d'un crime possible en jouant sur le seul désir de voir. Pour lui, le cinéma est un pur médium qui sert à créer un monde à l'échelle d'une cour d'immeuble reconstituée en studio. La première fois qu'on voit The first time that one sees un film de Hitchcock, picture, on est toujours plus surpris. One is always more surprised. Que émerveillé. Than in wonderment, than awed. Parce que c'est toujours quand même très nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà. Because it's always very new in connection with what one already knows. Et on dit c'est étonnant qu'il ait fait ça. So one says it's surprising that he's done this. Et la première fois. And the first time. On sera justement plus sensible à tout ce qui est. One is perhaps more. One reacts more strongly to everything non pas invraisemblance ou illogique, implausible or illogical, mais arbitraire. But arbitrary. C'est-à-dire ce qui passe en force. That is what you push through. Sure. Et c'est en revoyant le film and it's only upon seeing the picture again, qu'on s'aperçoit que les scénarios sont souvent très bien construits. That one begins to understand that the scripts are beautifully, very well constructed. C'est un argument qui va dans le sens de la conversation de ce matin. This is an argument which confirms our discussion of this morning. Pourquoi ces films vieillissent mieux que d'autres? Why your pictures stand up better than those of the other filmmakers? That's cette true. Richesse. Yes. It's this richness, this wealth of detail. But you see, one has to do Mais it. Vous voyez, nous devons le faire parce que. Now let's take the one thing in the birds. You prenons see. Par exemple une chose dans les oiseaux. We take the leading man in the bird shop nous prenons takes the escaped canary le magasin des oiseaux. Il prend le canari qui s'échappe and puts it in the cage. Il le met dans une cage and then makes the joke about the girl. He says, back into your gilded cage, Melanie Daniels. Il dit, Je vous retourne à votre cage dorée, Melanie Daniels. Now I wrote that line myself. Maintenant, j'ai écrit cette ligne moi-même. Because I felt that one line expressed something of the girl's character. Que cette ligne, of being a spoiled rich girl. We always talk of them being in a gilded cage. Quelque now, chose du caractère de la fille qui a été riche et gâtée, parce qu'on dit toujours en Amérique que ce sont des filles dans une, cage dorée. But. Mais. Later on in the film, during the seagull attack, and she takes refuge in the phone booth, which is my intention to show that she is a bird in a cage. Quelle est un oiseau dans une cage. And she's in a real cage. Elle est dans une vraie cage cette fois. Not a gilded one, et pas une cage dorée. But a different kind of cage, une cage différente. Which sets up for her, the experience of a bird no longer in comfort, but a bird in a cage of discomfort, which is the beginnings of her trial by fire. De son épreuve par le feu. And the birds are outside and the human is in the cage. Now, while I do that, alors, I don't expect anybody to pick it up. Je ne m'attends pas à ce que les gens s'en aperçoivent. Oui. De même que c'est très bien d'avoir in the same way as it's very good to have axé la scène dans le magasin d'oiseaux centered the scene in the bird shop sur la recherche des oiseaux d'amour on the research for lovebirds. Puisque yes. Après viendront les oiseaux de haine. Mm-hmm. Because afterwards you'll have the hate birds. Right. Oh sure, naturally. C'est très ironique, but you see, love survives oui, the whole of this experience. Remarquez que l'amour survit toute cette expérience. Hein? Oui. You see, love prevails. Love birds prevail all through. À travers le tout. Oui. The little girl says, "Can I bring the love birds with me at the very end of the film?" À la toute fin du film. So that there is some good represented through those alors, birds. Alors il y a quelque chose de bon qui est représenté à travers ces oiseaux. C'est ça. Même comme le fait que ça l'a, even as the fact that ça lui a permis d'être accepté par la famille, par exemple. It permitted those lovebirds also enabled her to be accepted by the family, for instance. Yes, oh yes, sure. Par la mère. By the mother. On peut aller assez rapidement, je crois, sur Dial M for Murder. I think we can go very rapidly over Dial M for Murder. Yeah, well, we know we don't have much to say about that. Oui, on sait, nous savons que nous avons pas grand-chose à dire. It's a film of circumstances. It's running for cover. Et il dit, ça c'est là, lorsque je cours pour me couvrir. C'est ça, ça a été tourné très vite. It was shot very quickly. Transigeux. 36 jours. 36 jours. Là, il y a un peu l'inconvénient dont vous parliez tout à l'heure. Here there's a little bit of the disadvantage you were mentioning to me before. Du mélange d'anglais et d'américain. Of the mixture of the mixture of American and British. Some degree, yes. L'inspecteur est un peu trop pittoresque, là. The inspector is a bit too colorful there. Yes, very colorful. Rear window. Oui. You're getting a floor show this afternoon, aren't you? My rear window is going to be interesting. Rear window, quel est... Now we're going to do a big one now. Je n'ai pas trouvé en français la nouvelle de Woolrich. I wasn't able to find the it's a short story. The story in French. It was quite a short story. It dealt with a man in a room. Très bon. Il s'agissait d'un homme dans une pièce. He was incapacitated. Qui était I think he had a man invalide. Who looked after him, but wasn't with him all the time. Mais qui n'était pas avec lui constamment. And it dealt with the bare facts of what he saw through the window. Il s'agissait des faits simplement de ce qu'il voyait à travers. And the threat of the man coming around. Et la menace de l'homme qui allait arriver. I think the final touch in the short story was the man shot at him. La chute. But he was able to take down a bust of Beethoven. Il a pu descendre un buste de Beethoven et le tenir. In silhouette, and the man silhouette. Shot it. Et didn't l'homme a pris son coup de fusil contre le buste. Ah oui. Ce qui vous a tenté au départ, c'était peut-être le défi. What tempted you at the outset was perhaps this challenge. Oh sure, yeah. Technique d'abord. The technical aspect. Entirely. Well. Entièrement. Well, you had the possibility now for vous aviez doing ici a purely cinematic film. De faire un film purement in other words, you had the immobile man vous aviez seeing l'immobile regardant. One piece of film, he looks. Un morceau de film, the second regarde. Piece of film le is what he sees. Film, c'est ce qu'il voit. And it's his reaction. Et ses réactions. This was the cinematic motif all c'était the way le through motif the film. Cinématique à travers tout le film. Proving that the three pieces of film que les trois morceaux de film represent what we know as the purest expression of cinematic idea. Ce que nous connaissons comme la plus pure expression de l'idée cinématique. Pudovkin, you know, Pudovkin, comme vous le savez, always wrote about the woman who looked down at the dead qui regardait baby, le bébé mort, and the face never changed, et but la you figure felt ne changeait jamais, compassion, mais l'on sentait la compassion. Take away the baby shot, vous enleviez la vue du put bébé, put a plate of food, et vous mettiez un plat de nourriture, hunger. Et on y lisait la nourriture. Just in the same way that we take a close-up of Stuart. De la même façon que nous prenons un close-up de Stuart. He looks out of the window. Il regarde hors de la fenêtre. We'll say, for example, on dirait he par sees exemple, a woman holding il voit une a baby. Femme tenant un enfant. And you cut back to Stuart. Et ensuite on regarde Stuart de nouveau. He smiles. Il sourit. Take away your middle piece of film. Vous enlevez votre film du milieu. Sees. Qu'est-ce que vous voyez? He looks. Il, quand il regarde. Some other piece of film. Il voit he un autre smiles. Morceau de film. Il sourit. Now, let us put in a middle piece of film. Mais non, si dans ce a girl in film, the nude. Du milieu, on mettait une fille à poil. He's now a dirty old man. Mais non, c'est un vieux salaud. Ce sourire. Et parce que c'est un personnage qui you n'est. See, because he's a character who is qui n'est que curieux. Only simply curious. Finalement, il est assez immoral. But he's rather immoral. Et vous le condamnez un peu dans. And you condemn him to some degree in the picture. Well, he was a peeping Tom. Mais c'est vrai que c'était un voyeur. C'est ça, c'est un voyeur. Il well, there was a complaint about that. I think il y a that, une plainte à propos de that, ça. Le Jeune on the London Observer made je some comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment aren't we all? Mais est-ce que nous ne sommes pas tous? C'est ça. Il est même dans la position du spectateur d'un film qui regarde un and film. And he's even in the position of the spectator of a film who's looking at a movie. I'll bet you 9 people out of 10. Je vous parierais que 10 if they see something across. S'ils voient quelque chose. Like a woman undressing and going to bed. Or even sometimes a man pottering around his room doing nothing. Ou même un homme qui tripote à travers la chambre ne faisant rien de spécial. 9 people out of 10 will stay and look. 9 gens sur 10 resteront là à regarder. They won't turn away and say it's none of my business. And pull down their own curtain. Et retireront leur volet. They won't do it. Leur volet. Ils ne feront pas. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'en travaillant au scénario. What there is, I think that in working the scenario. Vous êtes devenu au fur et à mesure. You became gradually. Assez ambitieux. Very ambitious. Et que peu à peu, la cour the yard est devenue un peu une image du monde. It became somewhat an image of the world. Est-ce plus ou moins consciemment? You had every. Was it more or less conscious? You had every type of vous aviez behavior. Chaque genre de conduite humaine. You had little stories going in each one. You had to do that. It would have been very dull if they'd merely been people. Si c'était simplement des gens. You know, each had to have a story. Chacun devait avoir une histoire. Because that was you were showing, you were reflecting a little world, as you say. On faisait le miroir, comme vous dites, d'un petit monde. C'est ça, mais tout est sur l'amour en même temps. But everything is on love at the same time. Le problème de Stuart, c'est. The problem of Stuart is. Il n'a pas envie d'épouser Grace Kelly. He doesn't feel like marrying Grace Kelly. Right. Elle veut absolument se faire épouser. She wants to get married. Right. Et sur le mur d'en face. And on the wall across. On voit toute l'histoire you du couple. See the whole story of the couple. Mm-hmm. La femme seule qui n'a pas d'amant ni de mari. Then you see the woman alone who has no lover and no husband. Right. Les jeunes mariés qui font l'amour toute la journée. The newlyweds who make love all day long. Yes. Le musicien qui est tout seul. The musician who's alone. et un couple marié depuis longtemps. And a couple that have been married for a long time. Et la femme qui est insupportable et dont le mari veut se débarrasser. And the woman who's unbearable and whose husband wants to get rid of her. Et eux sont dans la situation inverse de Stewart. And they are in the inverse situation from Stewart. Parce que c'est la femme qui est clouée au lit par sa maladie. Because it's the woman who's invalidated by her sickness. Right. Et l'homme qui est libre de ses mouvements. And the man who is free of his movement, of his, yeah, with his sure motions. Mm-hmm. C'est très satisfaisant. It's very satisfying. Oh, yes, yeah, sure. There was one thing I was very unhappy about. Il y avait une chose qui m'a rendue très malheureuse. Malheureux. I had in charge of music. J'avais le type qui était chef de la musique. Called Franz Waxman. Un type qui s'appelle Franz Waxman. Vous connaissez le nom. Vous connaissez. C'était un homme qui était surtout à la Warner autrefois, non? He was in Warner before, wasn't he? Waxman, il était le musicien pour Rebecca. Il a fait la musique pour Rebecca. And I made a mistake in having that type of man. Et j'ai fait une erreur en prenant un homme comme ça pour faire la musique. Because I was very anxious. Parce que j'étais très anxieux. To get from it a popular song. D'en obtenir une chanson populaire de ce film. And I should have had a man who writes popular songs to do it. Et j'aurais dû avoir un type qui écrivait des chansons populaires pour le faire. I made a mistake because I wanted et the music. Et j'ai fait une erreur parce que je voulais cette musique. Musician. To hear, to je voulais qu'il entende composing the song. Je voulais qu'on l'entende composer la chanson, créer la and chanson. Throughout the film, et à travers le hear film, the development of qu'on entende this song. Le développement de cette chanson. Until in the end it's played on a record jusqu'à with la full fin, orchestra. C'est joué sur un disque avec un plein orchestre. That you could use it the way through and it didn't et qu'on puisse s'en I was very disappointed. Ça n'a pas marché, j'ai été très déçu. Ah oui. Mais il y a l'idée qui est belle quand même. The idea is very beautiful, just the same. That que c'est quand le compositeur réussit it's when the composer succeeds sa musique, with his music, que ça empêche la femme seule that it prevents a woman alone de se suicider to kill herself. C'est, yes, c'est, that's c'est right. Yes, it's yes. A beautiful idea. Mm-hmm. Et j'oubliais aussi dans l'énumération le couple and sans enfant. When I was relating before my and when I was describing it before, I forgot, of course, the childless couple qui a tout reporté sur le chien. Which took all their love, which loved the dogs. Dog, yes. The dog. Yes. C'est certainement le votre meilleur scénario. I must have been very creative around that period. He says this is certainly your best scenario. J'ai été très créatif certainement à cette période. Car Helen, the batteries were well charged then. Parce que mes batteries étaient bien chargées, me dit-il, Hélène. Et il y a là encore un enrichissement formidable. And there again, there's a formidable enrichment. Avec l'idée de l'alliance. With the idea of the wedding band. Yes, sure. Grace Kelly veut se faire épouser. Grace Kelly wants to be married. Yes. Lui ne veut pas. He doesn't want to. Elle est dans l'appartement du she's tueur. In the apartment of the killer. Elle cherche l'alliance qui est la preuve. She's looking for the wedding ring, which is the proof. Yeah. Elle la met au doigt. She puts it on her finger. Elle lui montre de loin. Yeah. And she shows it to him from a distance. Yes. Formidable. C'est une double victoire. Yeah, sure, it's a double victory. Very nice. Hope you're not bored. La scène de la mort du chien aussi est extraordinaire. The scene of the dog's death also is extraordinary. Death, yes. Elle est très disproportionnée. It's very disproportionate. Exprès, je pense. Deliberately, I believe. Pour donner ou pour donner le sentiment du drame. Or to give the sentiment of the feeling of drama. Ou peut-être pour suggérer. Or perhaps to suggest. C'est-à-dire, elle est faite comme si c'était la mort d'un enfant. En fait. You've done it as if you were dealing with the death of a child. Yeah, sure. Oui, naturellement. C'est ça. Et c'est le seul moment où la mise en scène change de parti pris. And it's the only moment in which the direction changes its parti pris, viewpoint, point of view, parti pris. De point de vue. Its viewpoint. Yes, it is, yes. Ça devient purement objectif. It becomes purely objective. It does, for that moment, yeah. Oui, c'est vrai pour ce moment. C'est ça. Et il y a une chose, d'ailleurs, je pense, qui doit être une règle pour vous aussi. There's one thing here that which I think is a rule with you. Quand vous avez un décor, un grand décor. When you have a great decor, a large decor. C'est de réserver. It's to reserve. De réserver la plus grande vision, the greater part of the vision pour un moment de choc dans l'histoire. For the moment of shock in the story. Yes, yes. Par exemple, la cour du procès Paradine. For instance, in the court yes. of the Paradine trial. On a, will you see the que whole quand thing? Grégory Peck s'en va. That's la cour, on la voit pour la première fois. Here you see the whole yard for the first time. That's right. Well, that is the point. That brings me back to our point we were discussing, the size of image, la taille de l'image, in terms of using the long shot for dramatic purposes and not for merely establishing something. Et pas simplement pour dans le but d'établir quelque chose. For example, the other day I was doing this hour show. Je faisais ce spectacle d'une heure. And we had a scene in a police station. Et nous avions une scène dans une station. Man comes in to give himself up. À une station de police, il y a un homme qui vient pour se donner. So I sat up by the desk and the door. Alors auprès du bureau. But I didn't bother to show the whole set. J'ai fait le bureau et la porte, mais je n'ai pas montré tout le plateau. So they said, aren't you going to show that Alors, it's a police station, the whole thing? Vous n'avez pas montré un commissariat, tout le commissariat? I said, why? J'ai dit, pourquoi? The sergeant has three stripes on his arm, right near the camera. Il y a le sergent qui a trois trucs sur le bras, qui est près de la caméra. That's enough. C'est suffisant pour établir que c'est un commissariat. That long shot may be very useful to you. In a dramatic moment. Cette longue prise Why peut être très utile dans un moment dramatique, pourquoi la gaspiller? C'est ça. Mm-hmm. Ouais, très intéressant ça. Il y a un autre moment aussi où ce qu'on voit n'est pas du point de vue de James Stewart. There's another moment too where what you see is not from the viewpoint of James Stewart. C'est quand l'assassin s'en va pour It's venir when le chercher. The killer leaves in order to come and get him. C'est pour, c'est pour que l'audience en connaisse plus. Là. It's so that the audience should know more than the characters. Il y a aussi une chose très intéressante. There's also something very interesting. C'est quand l'assassin entre dans la pièce. It's when the murderer comes into the room. Et lui dit, que voulez-vous de moi? And says to him, what do you want from me? Et effectivement, l'autre ne sait pas. And it's true, he doesn't know. Parce que c'est pire qu'un. Because it's worse qu'un than policier ou a policeman. Il était agi par la pure He was really motivated by sheer curiosity. Yeah. C'était complètement morbide. It was really morbid, totally morbid. Yes, that's what it was. C'est vrai. C'est pour ça que ce qui va lui arriver, au fond, c'est bien fait pour lui. And that's why what is going to happen to him, it's well, it's so much the better. I mean, he deserved it. Sure. Et là, un peu comme souvent aussi, il y a cette chose arbitraire, mais qui est. And there again, there's that thing, that arbitrary thing, but it's good. C'est les flashs. The flashes. Ah, well, you see, the flashes come again into that always seeming to me by my desire or pour moi, mon désir. or wishes. You remember we talked about in Secret Agent. We are going secret. To Switzerland. Nous allons en Suisse. What do we have in Switzerland? Qu'est-ce que nous avons en Suisse? We have milk chocolate. Nous avons des chocolats. Lakes, oui. Alps. Des lacs, les Alpes. They must be used. Il faut s'en servir. Therefore, you have a photographer. Vous avez un photographe. You must use something of the photographer. Il faut aussi se servir du photographe. Mm. I think, to me, it's essential always. Pour moi, je crois que c'est essentiel toujours. To use the atmosphere around a character or a place. De l'atmosphère autour d'un caractère ou d'un endroit. It's inevitable that it must be used. Et c'est inévitable qu'on doit s'en servir. I feel I'm neglecting something. Je sens que je néglige quelque chose si je m'en sers pas. De ce point de vue, l'exposition est formidable. From this viewpoint, the exposition is formidable. Quand on voit que Stewart a la jambe dans le plâtre. When you see that Stewart has his leg in a cast. Sur la table, il y a l'appareil cassé. On the table, you see the broken appareil de photo. Camera. Well, au mur, il y a des photos de. On the wall, you have des photos violentes de voitures violent, qui renversent. Yes. Yeah. Violent scenes, sure. Violent pictures of violence. Well, that's our. Again, the use of our medium. Ça c'est l'utilisation de notre to tell medium. The story. Le cinéma. How much more interesting than for someone to say, how did you break your leg? Comment vous êtes-vous cassé la jambe? And he replies, et le type répond, I was taking a picture of a motor car race. D'un automobile. A wheel came off and smashed into me. Il y a une roue qui est tombée qui se cogne contre moi. Isn't that right? That's the average scene, you Ça, know. Ça, ce serait la scène moyenne. One of the worst things you can ever hear a writer say when faced with a problem to me. Un problème pour moi. The again we'll use the word cardinal sin. De nouveau, on se servait du mot le péché cardinal. Quote. Je cite. We will cover that in a line of dialogue. Nous couvrons ceci par une ligne du dialogue. Non, non, ça permet là au dialogue de ne pas avoir une fonction utilitaire. No, that enables the dialogue not to have a utilitarian purpose. Remember, I said dialogue is something that comes out of the mouths of people who are telling a visual story. Qui racontent une histoire visuelle. La fin aussi est bien faite. The end also is very well done. C'est une fausse fin heureuse, quoi. It's a false happy ending, if you will. Yeah. Parce que il y a cette note humoristique, il a les deux jambes dans le plat. There's this humorous note that he has both legs in a cast. Et il s'est endormi. And he's fallen asleep. Elle lit un livre sur l'Himalaya pour lui faire plaisir. She's reading a book on the Himalayas to please him. Ayant vu qu'il est endormi, right. Elle reprend son magazine de mode. You can see that he falls asleep and she takes back a fashion magazine. That's right, sure. Finalement, c'est assez pessimiste. Finally, it's rather pessimistic. Quand j'avais vu le film la première fois, when I saw the picture the first time, j'avais écrit I had written qu'il était très that it was very très noir, very somber, très pessimiste, very pessimistic, et très méchant, and very cruel. Et en le revoyant l'autre jour, and when I saw it again the other day, je trouvais qu'il n'était pas méchant du tout. I thought it wasn't cruel at all. Et qu'il y avait même une certaine bonté dedans. Even there was a certain amount of kindness in it. Dans le regard, sur in the looks primarily. Il est fait entièrement sur les faiblesses humaines. It is based entirely upon the human weaknesses. Et avec, finalement, avec beaucoup d'indulgence. And kindly with a great deal of indulgence. C'est votre avis? Don't you think so? Oh, definitely. Définitivement. Ah, il y a aussi une chose, oui. There's also something else. La scène d'amour. The love scene. Souvent, vous ne montrez pas ce qui précède le baiser. Often you don't show what leads up to the kiss. Vous attaquez souvent par le visage de la femme qui entre. Very often you just simply take it by showing the face of the woman that comes into the focus. Sans même qu'on l'ait vu entrer dans la pièce. Without one even seeing her coming into the room. Il y a une raison pour ça. Is there a reason for that? I think it's what we call getting down to cases. Je crois que c'est ce qu'on appelle getting to the point. Arriver au point. Oui. Pas perdre son temps. Ah bon. Et autre chose aussi, dans ce film-là et dans d'autres films, in this picture and other works, le baiser est truqué. The kiss is tricked. Pas le baiser, mais l'approche des visages. Not the kiss itself, but the coming together of the faces. C'est saccadé comme ça. It's comme si vous aviez doublé une image sur deux. Vous pouvez it's dire as ça? If you doubled one image on top of the other. It's shaky. I nearly tried in the. There was one scene I didn't shoot in the birds. Il y a un film que je n'ai pas. Il y a une scène que je n'ai pas filmée dans les tournées dans les oiseaux. I was going to do a love scene. I dropped it. J'allais faire une scène d'amour. Je I was going to have the two heads. J'allais montrer les deux têtes. Séparées. Coming together. Qui se réunissent. And I was going to try and whip the camera. Et fouetter la caméra. Well, he would use as a whip, doesn't he? Vous does he understand what whipping the camera vous savez means? Ce que ça veut dire, fouetter la caméra? A quick pan, very quick. Un pan oui, très oui, rapide. Oui, je fais quelque chose, oui. Yes, I do it sometimes. But I was going to do a whip from one head to the other. Allez faire un whip, un fouet. Like this. C'est un filage, on appelle ça. En filage. Un filage. Comme ça. But because they are coming together, et parce que ils se the whips get less and less. L'enfilage devient de moins en moins. Oui. Diminue. Ah oui, oui. Until it was vibrating. Jusqu'à ce que ça vibre. Ah oui, oui. And to get the vibration et pour obtenir la vibration in the camera, dans la caméra of the emotion of the two coming together. L'émotion des deux qui se réunissent. Oui. Would have been interesting. Ça aurait été intéressant. Oui, c'est intéressant. Let's try it sometime. Il faudrait que j'essaye une fois. Mais quand même, le est-ce que c'était bien ça? Est-ce que c'était bien doubler une image sur deux dans l'approche des visages? Was it really? Had you doubled one image on top of the other in the? No. No. C'était fait sans trucage à la prise de vue. There was no tricking. No. Ah oui. Et dans la main, on collait non plus? And to catch a thief, the same. Ah, catch a thief. You mean in the scene? I got a pulsation. J'ai obtenu une pulsation. I made the camera do this. J'ai fait que la caméra faisait ceci. On a dolly, backwards and forwards. Sur une dolly qui remue en avant et en arrière, qui remue et en arrière. Et c'est un mouvement qui est obtenu uniquement à la main en secouant la dolly. Is this a movement you obtain by hand just by shaking the dolly? Ah, c'est drôle. Hein? That's peculiar. Ça donnait l'impression d'un trucage de laboratoire. It gave the impression of a lab tricking. No. Ah. C'était Les Entretiens d'Alfred Hitchcock par François Truffaut, 20e épisode consacré à Fenêtre sur cour, une émission proposée par Serge Toubiana et Nicolas Saada et diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 octobre 1999. Réécoute et téléchargement sur le site franceculture.fr à la page des nuits.